Divers pays et régions du monde présentent les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse laotienne, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal indien Ocean News Point, le réseau Planète de Chine, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, les pages d'Internet du Forum anti-impérialiste de l'Allemagne, nouvelles des inspections, du Comité national d'études du kimetsunisme kimjongilisme du Nigérien, du Comité national d'études des Edutse du Congo démocratique et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien, ont rapporté son inspection du centre d'élevage de silure de Samcheon, nouvellement réaménagé. L'agence de presse russe TASS et les pages d'Internet de l'association d'amitié Pectosan Tchoué Corée, du Comité national d'études des Edutse du Congo démocratique et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien, ont présenté la tenue du spectacle commémorant le 70e anniversaire de la fondation de la chorale d'État émérite en présence du dirigeant suprême coréen. Le homepage d'Internet allemand Nouvelles des Inspections a inséré sa visite au Palais du Soleil de Kumsusan à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Le journal népalais Arfan et les homepages d'Internet de l'Association des journalistes népalais d'études des Edutse et de la politique de Sungun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont fait part de sa participation au rassemblement central consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, en sus de la nouvelle précédente, alors que les homepages du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de l'Institut d'amitié culturelle Pérou-Corée, son inspection du lancement d'essais de l'engin balistique stratégique à moyenne et longue portée sol-sol Pukusan 2. Les presses ont présenté des photos du dirigeant suprême coréen.